Eh bien, je le voulais, d'André Chénier. Enregistré pour LibriVox.org. Eh bien, je le voulais. Eh bien, je le voulais. J'aurais bien dû me croire. Tant de fois à ses torts, je cédais la victoire. Je devais une fois du moins, pour la punir, tranquillement l'attendre et la laisser venir. Non, oubliant quel cri, quelle aigre impatience, hier sut me contraindre à la fuite, au silence. Ce matin, de mon cœur trop facile bonté, je veux la ramener sans blesser sa fierté. J'y vole, contre moi je lui cherche une excuse, je viens lui pardonner, et c'est moi qu'elle accuse. C'est moi qui suis injuste, ingrat, capricieux, je prends sur sa faiblesse un empire odieux, et sanglots et fureurs, injures menaçantes, et larmes à couler toujours obéissantes. Et pour la paix, il faut, loin d'avoir eu raison, confus et repentant, demander mon pardon. Fin du poème, enregistré par Sonia. Cet enregistrement fait partie du domaine public.